m'avait appris qu'au bout de mes pieds, il y avait des yéyés. Maintenant je suis grand, j'ai toutes mes dents, et j'entends souvent parler de yéyé. Que ma petite sœur venait d'un chou-fleur. Maintenant je suis âgé, j'en viens à penser que les petits souliers, c'est pas des yéyés. Merci à être poli. Maintenant j'ai trouvé pourquoi les parents n'ont plus 18 ans. Ils sont pas yéyés. Avec les copains, du soir au matin, on aime danser, vive le yéyé.